Mon papa est un coquin et moi j'aime bien. Réveillé, il me fait des chatouillis aux pieds, des petits croquants sur le bidon, des guilis-guilis sous le menton. Mon papa est un coquin et moi j'aime bien. Mon papa est un coquin et moi j'aime bien. Quand il fait la grosse bête dans la nuit et qu'après il me serre contre lui, quand il joue à me faire peur et à la bagarre tout en douceur. Mon papa est un coquin et moi j'aime bien. Mon papa est un coquin et moi j'aime bien. Quand il me fait des bisous dans le cou et des bisous craquant sur les joues, des bisous de princesse sur la main, tout ça c'est des petits câlins.